Seigneur, il est roi. Acclamons le Seigneur, élevons son nom. Acclamons le Seigneur. Jésus est vivant, oui qu'il vit éternellement. Oui, crier que Jésus est vivant.